Je suis parti avant la fin du film. 2. Est-ce que tu viens demain? Et lundi? 3. C'est vraiment pas simple. 4. Non, merci, je n'ai plus faim. 5. J'adore la peinture du 19e siècle. 6. J'ai un examen ce matin. 7. Antonin est brun ou blond ?